Bon, ben bonjour, merci d'être venu. On s'excuse auprès de Nina de tous ces problèmes. C'est vrai qu'on était pas mal surchargé de pas de problèmes personnels, donc on n'a pas très bien géré l'affaire. Donc désolé, mais vous aurez, comme vous n'êtes pas nombreux, vous allez quand même arriver à voir sur l'écran. Donc aujourd'hui, Nina nous parle de ce livre, Les quatre vies de Mario Marais. Bon, je ne vais rien vous dire sur Mario Marais, sauf ce livre est. Nina a fait le scénario et il y a une dessinatrice qui s'appelle Laure Guibon. Tu nous diras quelques mots sur elle, je suppose, puisque je n'ai pas cherché sa bio et ce qu'elle a fait d'autre. Par contre, Nina, je peux vous dire qu'elle est documentariste sonore, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Donc elle fait des documentaires pour la radio, notamment Arte Radio, la radio suisse romande, et France Culture. Donc, si vous regardez sur Internet, il y a un tas de documentaires qui ont l'air très intéressants. Je n'ai pas pris le temps de les écouter. Deux sur Mario Marais. On va écouter des petits extraits. Donc, il y a un documentaire sur le sang, sur la dernière Amazon, sur le Danemark. On pourra nous dire quels sont tes rapports avec le Danemark aussi, sur Jacques Brel. Sur les colonies communistes, je ne sais pas s'il est passé par là, parce que peut-être c'est une expérience personnelle. Et puis sur ton père, 6 épisodes, et son père s'appelait Per, P-E-R, un nom danois, ce qui explique aussi peut-être son nom, même sûrement, Almberg étant un nom danois. Que dire d'autre? Que tu as fait des reportages de voyage. Je pense que tu as dû vivre au Brésil, puisque tu as écrit 2 romans. Mmh. Un qui s'appelle La dernière Amazon, mais qui a un rapport avec l'Amazonie, sauf si tu pourrais nous en dire des mots aussi. Et un autre plus récent, 2021, et un autre s'appelle Pour Suzanne, 2023, qui parle de secret de famille, apparemment. Sinon, tu es à Marseille depuis quelques temps. Avant, tu étais à Douarnenez, et je pense que tu as fait des reportages ou écrit sur. La situation en Bretagne, je pense. Oui. Oui. Voilà tout ce que je peux vous dire comme présentation. Je te laisse la parole. Ben, bonjour, merci d'être là. Ben voilà, aujourd'hui on va parler de Mario Marais. Pourquoi on parle de Mario Marais ici aussi? Parce que Mario Marais est un militant anarchiste qui ensuite est passé du côté obscur de la force puisqu'il était au PC. On l'excusera. Anarchiste de Mario Marais. Voilà, Mario Marais, il est né en 1920, il est mort en 2000, et voilà, je l'ai découvert il y a 10 ans maintenant. Moi, j'étais spécialiste du cinéma militant, j'ai fait des études d'histoire, moi, il y a longtemps, et donc j'ai fait des études d'histoire sur les relations entre cinéma et mouvement ouvrier. Et ensuite, j'ai travaillé comme assistante de recherche auprès d'un chercheur, qui voilà, était spécialiste d'images de manifs dans les années 70, on devait retrouver les noms des gens, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert les figures de Chris Marker, que vous connaissez peut-être, et voilà, de tout un tas de nébuleuses, de gens qui, pendant les années 70, ont pris la caméra au point pour filmer des buts. Et en même temps que je faisais ça, ben Arthur est ici présent, il me dit, Arthur était passionné d'Antarctique, parce que son grand-père, il a un glacier à son nom en Antarctique. Et parce qu'il a passé l'année 1962 en Antarctique. 57. À 57. Et donc il me dit, ah, est-ce que tu connais Mario Marais? Parce que c'est un cinéaste militant, mais il était aussi en Antarctique. Alors là, je me suis dit, et j'avais jamais entendu parler de Mario Marais, donc après, il n'est pas très connu, mais du coup, la conjonction de ces deux éléments a fait que une très longue enquête s'en est suivie et qui m'a occupée par intermittence là, ces 10 dernières années. Voilà, donc j'ai commencé mes recherches en 2015-2016. Où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plusieurs personnes qui avaient rencontré Mario Marais. Et ben, peut-être un peu pour vous présenter le personnage et qu'est-ce qui m'a intrigué beaucoup chez lui. Je vais vous... Voilà, en 2016, du coup, j'ai fait un documentaire pour Sur les Docs. Maintenant, ça s'appelle LSD, la série documentaire sur France Culture. Avant, il y avait ces émissions d'une heure qui s'appelaient Sur les Docs. Et j'en ai fait une sur Mario Marie. Et on va écouter, si vous le voulez bien, les deux premières minutes qui présente Mario Marais dans sa diversité, disons. Voilà, on écoute le début du documentaire. Bon, pareil, on n'a pas d'enceinte, donc mais normalement, on va mettre le son au max, ça va le faire. Voilà, on écoute 2 minutes. J'ai rencontré Mario Marais quand je suis rentré aux expéditions polaires françaises. C'était en 1956. J'étais jeune ingénieur, j'avais posé ma candidature comme ça, au CNRS et n'importe où. Puis j'ai eu un coup de fil des collaborateurs de Paul Militor qui cherchaient un jeune ingénieur pour s'occuper du bureau technique qu'avaient fondé justement Mario Marais et Roger Vincent avant moi. Et moi je suis rentré, j'ai travaillé avec Roger Vincent et j'arrêtais pas de rencontrer Mario Marais. On n'oublie jamais une rencontre avec Mario Marais. Moi, je revenais de filmer en Colombie la guérilla des FARC, donc en 1965. Et lui, il revenait de Guinée-Bissau, où il avait été filmé les luttes de guérilla aussi du PAIGC. Et on était tous les deux dans nos salles de montage. Enfin, moi, à l'époque, j'étais caméraman. Et on discutait de ce que c'est que filmer ce genre de situation. Il aimait bien la façon dont moi j'avais filmé en Colombie. Et on discutait de l'image. On s'est rencontrés chez des amis et nous avons bavardé, bien sûr. Et puis nous avons gardé une amitié qui s'est prolongée pendant des années avec des intermittences parfois, bien évidemment. Hein. Mais bon, nous arrivait très souvent de manger ensemble, de discuter, de parler parfois de cas qu'il recevait. Il avait un cabinet qui était grand, qui était agréable, qui était clair, qui était accueillant, chaleureux, et qui ne désemplissait pas. Que c'est un psychanalyste qui avait beaucoup de succès sur la place d'Aix. Il avait beaucoup, beaucoup de patients et de patientes. Je préparais un ouvrage sur les réseaux de l'OSS en France, c'est-à-dire les services secrets américains pendant la Seconde Guerre mondiale. On devait être en 89-90 et j'ai approché une organisation de vétérans de l'OSS. Et justement, le patron m'a dit, écoutez, si des vétérans de l'OSS, m'a dit, si vous êtes vraiment intéressé, moi, j'ai quelqu'un qui peut vous aider. Et il m'a mis en contact avec un grand avocat d'affaires new-yorkais qui s'appelait Henry Hyde, qui m'a mis en contact avec ses agents. Et il a commencé par le principal d'entre eux, Mario Marais. Voilà. Donc là, c'était l'introduction de ce documentaire où on entend 4 personnes. Qui sont donc d'abord Christiane Gillet, donc qui travaillait aux expéditions polaires françaises, suivi de Bruno Muel qui est un cinéaste militant, qui en particulier a participé au groupe Medvedkine à Besançon et à Sochaux, qui sont des groupements de cinéastes et d'ouvriers qui ensemble ont fait des films. Et lui, il a fait aussi un très beau film au Chili, juste après le coup d'État de Pinochet, qui s'appelle Septembre chilien. Où il est parti filmer juste après, dans l'immédiat après coup d'État. Ensuite, on entend Solange Cariou, qui est psychanalyste à Aix-en-Provence. Et enfin, on entend Fabrizio Calvi, qui du coup a écrit ce livre « OSS, la guerre secrète en France » sur le montage des services secrets américains pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Voilà, et donc Mario Marais est un homme qui a participé à tous ces différents événements. Donc c'est pour ça que la BD, elle s'appelle 4 vies de Mario Marais. C'est parce que c'est quelqu'un qui a eu des vies très très différentes et qui a compartimenté énormément les différents moments qu'il a vécu. et en même temps on voit un peu des lignes de force. Donc en fait cette BD c'est comme si c'était un arrêt sur image un peu sur quatre moments. Voilà. Donc pour commencer à parler un peu de peut-être de l'anarchisme vu qu'on est ici, après je ne vais pas détailler tout ce qu'il a fait, mais on peut peut-être parler de l'anarchisme. Voilà, donc Mario Marie, il est né en 1920. Dès les années 35, il est engagé au niveau de la guerre d'Espagne. Il est en particulier au SIA, donc le syndicat international antifasciste. Ouais. Et il organise à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand des meetings pour venir en soutien aux républicains espagnols. C'est aussi au même moment qu'il arrive à s'infiltrer dans le camp d'Argelès. Donc c'est là où les républicains espagnols, quand ils ont perdu la guerre, ils ont traversé la frontière et beaucoup d'entre eux ont été parqués dans ces camps. Et il a réussi à s'infiltrer dans ce camp. Et c'est à cette occasion-là qu'il a rencontré un militant anarchiste italien qui lui a parlé des pouvoirs de la radio et des pouvoirs de l'infiltration et comment à la fois le fait d'être un espion et le fait de pouvoir utiliser la radio, ça pouvait être très important dans le combat anarchiste. Il était aussi très influencé à cette époque, mais c'est un adolescent en fait, par donc, tous les courants néo-malthusiens. Il y avait des médecins qui pratiquaient des vasectomies à cette époque. Et donc, adolescent, il a fait une vasectomie aussi dans une optique de grève des ventres. Voilà. Et ensuite. La Deuxième Guerre mondiale éclate, il décide de faire ce qu'il appelle le pacte avec le diable contre Hitler, c'est-à-dire d'allier tous les mouvements politiques ensemble contre Hitler, ce qui du coup ne plaît pas à tout le monde, et ce qui le fait ensuite se dire que par tous les moyens il faut lutter contre le fascisme. Et je pense que c'est dès cette période ou après-guerre qu'il adhère au PC. J'ai jamais pu savoir la date exacte. Ça change un petit peu, ça change la donne politique. Voilà pour Mario Marie anarchiste. Sinon, pour continuer à parler de la BD, voilà, donc en fait, moi, j'ai fait ce documentaire et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces gens voilà, qui étaient encore vivants et du coup, beaucoup d'entre eux, maintenant, sont décédés. Mais ça m'a permis à la fois de faire ce documentaire sonore, de faire des recherches et de d'amasser énormément d'iconographie Mario Marais, il a filmé du coup beaucoup après. Voilà, quand je peux vous raconter comment il est devenu cinéaste, parce que là je disais on l'a lâché un peu opérateur radio. Et en fait, quand il est parti en Antarctique, il est parti en bateau. Et le cinéaste de l'expédition est décédé sur le bateau. Il est mort en mer. Et donc quand ils sont arrivés, donc il faut se dire qu'ils arrivent là-bas en 1950, donc c'est le premier hivernage en Antarctique, en terre dite française, quoi, en terre Adélie, qui n'a jamais eu lieu. Quoi. Donc ils construisent les cabanes et tout, et donc ils construisent des cabanes, et à un moment, lui, qui est donc... Voilà, c'est aussi un excellent ouvrier, en fait, il est serrurier, et donc embauché aussi donc, comme opérateur radio, et donc il démonte la caméra. C'est en bricolant la caméra comme ça, parce que le cinéaste n'était plus là, qu'au pied levé, il le remplace et il se met à filmer. Et donc il fait un premier film qui s'appelle Terre Adélie et qui raconte la vie dans cette base. Voilà. Après, il est parti une deuxième fois, 2 ans plus tard, en Antarctique. Et là, il était carrément chef d'une petite base Et en fait, la base principale a brûlé, et donc ils se sont retrouvés seuls. C'est pour ça qu'il a écrit un livre, ensuite c'est « Sept hommes chez les pingouins », où en fait, tous les autres membres de l'équipage décident de partir en bateau, et eux, ils décident de rester seuls, sans liaison radio. Ils restent seuls, et donc lui, il est là, ce livre, et ce livre est aussi rare. Je vous conseille d'aller tout de suite. Ah mince. Et bien, ce livre se trouve de manière pas très compliquée. Ouais, c'est sur les sites de 15 ans, là, on peut le trouver. Ouais, c'est... Édition de l'Aube. Ouais. Il y a la bibliothèque à la Casa Artelliette, non ? Pas sûr. Un problème dans les bibliothèques publiques, c'est qu'ils désherbent à tir de l'eau. Mmh. Donc, si les livres sont plus lus, et ils balancent. Ils mettent au pilon, ouais. Et donc, il est le chef, ce qui est difficile aussi pour un ancien anarchiste. Voilà, chef de 7 personnes, et voilà, donc ils sont sans liaison radio, évidemment sans électricité, voilà, dans une cabane qu'ils viennent de construire, une cabane qui, au début, devait être 4, dans cette cabane, en fait, pour étudier une rouquerie de manchots empereurs, en fait, ils décident de rester à 7, donc pendant un an, ils restent à 7, dans un endroit trop petit pour eux, et sans auto-chenille, et donc à un moment, ils essayent de faire un raid pour aller quand même à la base, qui a 80 km de là, enfin, donc, il manque de mourir des dizaines de fois. Et je voulais juste vous lire un petit extrait qui parle de la communauté. Ils appellent ça Terra Nova. Et lui, il appelle ça Terra Nova, le lieu où, ce lieu qui... Ben voilà, cette éphémère république de Terra Deli. Donc, dès le départ, au cours de la petite fête célébrée à l'occasion de notre crémaillère, j'ai tenu à énoncer sur le mode plaisant les règles et lois auxquelles seraient soumis les citoyens de Terra Nova. À partir de ce jour, ai-je déclaré, le gouvernement de la Terra Deli prend les dispositions suivantes qui auront force de loi. 1. L'argent est aboli. 2. Les moyens de transport sont mis en commun. 3. Toutes les ressources disponibles sur le territoire sont réparties à égalité entre les membres de la communauté. 4. Chacun participera selon ses capacités aux travaux intéressant l'ensemble de la communauté. 5. Hormis les règles intéressant la sécurité individuelle et générale et l'efficacité des travaux scientifiques, chacun est libre, suivant en cela l'excellent précepte de Rabelais, de faire ce qui lui plaît. Je n'avais guère d'illusion sur l'étendue de cette liberté que généreusement j'accordais. La fantaisie et le caprice à des températures variant entre 0 et moins 30, avec un vent soufflant à 120 km/h sur un îlot de 3 km de tour, entouré de glaces périodiquement soumises à la débâcle, la fantaisie et le caprice, dans de telles conditions, risquent peu de se développer au point de susciter des problèmes. Ce à quoi je tenais cependant, c'est à une souplesse dans la discipline, à un sentiment de responsabilité partagée, à la création d'une atmosphère exempte de tensions inutiles, où à la notion de hiérarchie se substituerait celle de fonction. C'est à partir du moment où nous avons tous vécu dans la baraque et où s'est institué le roulement des corvées que nous avons pris conscience du fait que nous étions 7. Heureuse circonstance qui nous a permis de faire coïncider les gardes avec les jours de la semaine. Et bien que je ne sois nullement superstitieux, non plus que versé dans les sciences occultes, je ne puis m'empêcher d'augurer bien de ce nombre 7. Symbole de la création, nombre réputé parfait, sous le signe duquel le hasard avait placé notre entreprise. Voilà, cet homme chez les pingouins. Cet homme chez les pingouins, dont je vous conseille la lecture. Et OSS, la guerre secrète en France, dont je vous conseille la lecture aussi, mais qui est plus... 600 pages aussi. Corroboratif, 600. Et donc, Fabrizio Calvi, qui est décédé aussi depuis, il a écrit ce livre... quand il était voilà, jeune journaliste dans les années 80 et où il rencontre Mario Marais à la fin de sa vie. Mario Marais est devenu pratiquement aphasique. Il ne peut plus parler. Et voilà, et Fabrizio Calvi tombe sous le charme de Mario Marais, un peu qui et ce livre qui raconte comment voilà, se forme au moment, en 42 environ, aux États-Unis, les réseaux de l'OSS qui ensuite deviendront la CIA aujourd'hui, comment ils se forment, d'abord aux États-Unis, puis à Alger, et Marie-Marie, qui est donc opérateur radio à Alger, qui cherche du travail, se fait embaucher par eux. Et ce qui est assez fascinant dans ce livre par rapport à la personnalité de Mario Marais, c'est que c'est pratiquement le personnage principal du livre, qui pourtant parle de, ben voilà, de grands réseaux. Hein. Mais on sent que Fabrizio Cavalli a été tellement hanté par lui qu'il il en parle pendant longtemps. Voilà, dans son surnom de résistance, c'était Toto. Et je crois qu'il en avait, bien d'autres. Voilà, donc ça c'est plus roboratif comme lecture. Et voilà, et donc je continuais. Donc j'avais fait ce documentaire sonore, et voilà, je continuais un peu à tirer les fils de cette histoire, d'autant plus que voilà, j'avais accumulé beaucoup d'iconographie, parce que voilà, donc, comme je disais, il a filmé. Donc il a filmé en Guinée, il a filmé en Amérique latine, il a filmé en Algérie. Après, il a fait des films aussi de commandes un peu partout. Enfin, voilà, sur des trucs genre le Cap d'Agde, enfin, des trucs comme ça. Mais donc, il y a beaucoup d'images. Et ensuite, je me suis mise à traquer aussi son image à lui qu'on pouvait trouver. En fait, ce qui m'a intriguée, c'est que vraiment, il y a vraiment un personnage très caméléon. Et parfois, je mettais beaucoup de temps à le reconnaître. Et donc, ça m'a pas mal intéressée. Et là, dans la BD, à la fin, en fait, j'avais aussi pour projeter un exemple avec plus de têtes. Mais là, c'est différentes têtes qu'on a retrouvées de lui à différents moments. Donc là, c'est au Groenland, parce qu'il est allé au Groenland aussi avant d'aller en Antarctique. Il fait aussi des expéditions au Groenland. Là, ça, c'est, il y a eu un timbre des TARF, donc les terres australes et antarctiques françaises, à son effigie, parce que la philatélie est très importante dans les TARF, et c'est la photo, c'est d'après cette photo qu'il y a eu le timbre. Ça, c'est lui dans un weasel. Donc un weasel, c'est les petits auto-chenilles. Il lit Zadig de Voltaire. Ça, c'est en Guinée-Bissau, quand il part du coup filmer, et non, voilà, filmer. La guérilla du PAIGC, le Parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Ça, je ne sais pas où c'est. Ça, c'est chez lui à Rustrel, dans le Luberon. Et ça, c'est des photos pendant les groupes Medvedkin, donc quand il est à Besançon, à la fin des années 60. Et ensuite, plus tard, j'ai retrouvé des photos de lui aussi à la fin des années 80. Voilà, donc je me suis dit un personnage aussi caméléon, voilà, et qui a traversé autant de moments dont on conserve beaucoup d'images, sachant que moi je ne suis pas vraiment une personne de l'image, moi je suis quelqu'un du son, et bien, je me suis dit si je ne suis pas une personne de l'image, il faut que quelqu'un d'autre fasse l'image, et c'est comme ça que j'ai rencontré Laure Libon, qui a bien voulu dessiner cette BD. Laure Guibon, j'ai rencontré parce que, comme le disait Philippe tout à l'heure, j'ai fait une série de podcasts qui parlent de mon père, qui s'appelle Père comme personne pour Arte Radio, et qui raconte en gros comment j'ai découvert que mon père était trafiquant de drogue et comment il a disparu de manière mystérieuse. Et donc Arte Radio avait embauché Laure Guibon pour faire les dessins de cette série. J'avais beaucoup aimé ses dessins, et donc je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé si elle voulait bien dessiner, et elle oui, et parce que elle aussi, le personnage de Mario Marais, d'une toute autre manière que moi, l'a touché, et ce qui l'a touché en particulier, c'est que Mario Marais il a construit un bateau aussi de ses mains dans sa maison à Rustrel, parce que donc il était parti deux fois en Guinée-Bissau. Il a fait deux films, un film qui s'appelle Lala Kema et un film qui s'appelle Nos Aterra. Et il s'est lié Nos Aterra, qui est un film que des gens d'une association à Rennes ont retrouvé il y a 2 ans. Et nous avons pu le projeter à cette occasion. Et on l'a projeté aussi à Cucuron l'an dernier. Qui est vraiment un film que moi je trouve très impressionnant, parce qu'on est vraiment au cœur de la guérilla. Moi j'avais jamais vu un film comme ça personnellement, où on voit tous ces adolescents en fait qui sont là avec leurs fusils tout cassés, et lui il est vraiment Il a réussi à capter ça dans un très beau 16 mm. Et je déviais de ma parole parce que... Ah oui, voilà. Et donc, Laure Libon, elle, voilà, donc Marie Marais était, voilà, avait des grands liens avec le PAIGC, la Guinée-Bissau. Et il a décidé, en rentrant chez lui à Rustrel, de construire un bateau, un catamaran, qui serait un bateau infirmerie pour aider la guérilla de Guinée-Bissau, et donc pour remonter les fleuves, parce que du coup, il y a beaucoup de mangroves en Guinée-Bissau, et donc il fallait un bateau à faible tirant d'eau. Voilà, et Laure Libon, elle fait beaucoup de la voile, et elle fait beaucoup de temps, et donc... ça l'a intéressé pour ça. Là, on voit la fabrication du bateau. Et là, on voit le bateau qui est sur les temps de berre. Du coup, moi, après, je viens de finir un documentaire sonore sur l'histoire du bateau parce que après que la BD soit sortie, j'ai pu retrouver... Pas mal de gens m'ont contacté encore parce qu'ils avaient connu Marie Marais dans différentes circonstances, dont les gens à qui il avait donné le bateau, dont des gens qui ont construit le bateau avec lui, dont les gens qui ont amené le bateau de... Enfin, voilà, qui ont pu transporter le bateau à des endroits. Et donc, je viens de finir ce documentaire sonore qui est la dernière chose que je ferai sur Marie Marais. Et il sera écoutable sur le samedi prochain. Il va passer sur Radio Grenouille à 13h, 88.8. Et ensuite, il sera sur le site de Radio Grenouille. Voilà. Donc, pour travailler à deux sur une bande dessinée, ben voilà, moi comme j'avais accumulé à la fois beaucoup de savoir et d'iconographie, après l'idée c'était beaucoup de transmettre à la dessinatrice pour qu'elle-même elle puisse s'approprier et dessiner à son tour. Donc je lui ai envoyé beaucoup d'infos. Et ensuite, j'ai écrit un scénario de BD. Ça, en fait, on écrit, ben voilà, planche 1, case 1, il se passe ça, case 2, quelle est la valeur de plan, tout ça. Donc moi, je lui ai fourni ce document. Et ensuite, on s'est retrouvés ensemble et on a fait ce qui s'appelle un storyboard. Donc c'est-à-dire les images en petit, les croquis. Donc bon, là, on voit pas bien, hein, mais l'idée, c'est de voir en grand. Donc en fait, toute la BL, elle a sur une petite feuille, mais c'est pas beaucoup plus grand que ça quand elle a dessiné, en fait. C'est ça qui était assez impressionnant, c'est qu'elle a dessiné, ça c'est un peu taille réelle, les dessins qu'elle a fait des différentes planches. Voilà, avec des codes couleurs, voilà, le vert, c'est vraiment, c'est des extraits des films, donc c'est les regards caméra. Le orange, c'est les bulles. Les bleus, c'est Mario Marais, c'est pour voir où il est dans l'espace. Donc, on s'est retrouvés ensemble pour faire ce storyboard. Et ensuite, elle travaille avec une technique mixte, mais donc principalement à la main. Mais donc, en gros, elle fait des croquis. Alors, voilà, là, on voit le storyboard d'une planche. Et là, on voit la planche finie. Donc ça, c'est le croquis de base et ça, c'est la planche finie. Sachant que dans les planches finies, il n'y a jamais les bulles parce que les bulles, elles sont rajoutées numériquement par un graphiste. Voilà, ça, c'est une autre planche là en Antarctique. Voilà, on voit que tout est en fait déjà un peu en germe dans le croquis. Après, il faut dessiner. Ça aussi, ça, c'est à la Rodiaceta, donc c'est une usine de câbles à Besançon. Elle dessine comme technique directe, c'est ça, sans ordi, sans... Elle dessine à la main, voilà, c'est ça. Et donc sans là, numérique. Ben c'est ce que je vais vous expliquer. C'est qu'ensuite, donc ça c'était le storyboard, et donc ça elle a fait à la main, donc elle a fait sur le... En fait, toutes les planches, il y a 165 planches, je crois, dans la BD, et ça tenait sur une espèce de grande feuille, comme ça. Et ensuite, une fois qu'elle a fait le storyboard... case par case, elle faisait des croquis, enfin des croquis, des dessins, comme ça, au crayon. Donc ça, par exemple, ben, c'est la cabane en Terra Nelli, là. Terra, ça va être écrit Terra Nova. Donc elle faisait ses croquis au crayon. Voilà. Ça, c'est la cabane pendant qu'elle est en train d'être construite. Ça, c'est les toits de Clermont-Ferrand. Ça, c'est Mario Marais et un autre hivernant qui sont au milieu des manchots. Voilà, ça, elle aimait beaucoup les manchots aussi. Et ensuite, voilà. Donc, elle faisait les croquis, mais un peu sur papier libre, comme ça. Et ensuite, elle les scannait, tous les dessins, et elle les mettait numériquement sur pour faire les planches. Comme ça, elle pouvait recadrer, voilà, changer. Et ensuite, elle les mettait sur Photoshop, voilà, pour faire les planches. Et une fois qu'elle était contente de son cadrage, et ben, elle imprimait sur du papier blanc très beau la feuille avec les croquis imprimés. Et là, après, elle aquarellait. Ah non. Mais après, elle rescannait. Et après, c'était fini. Donc, voilà. Et donc là, on voit la page numérique. Et après, hop, voilà. Et elle aquarellait, du coup, ben voilà, en un coup, quoi. Et là, pour le coup, elle pouvait pas se couper. Et des planches de quel format? A4? Et bien, j'aurais pu apporter des planches aussi. Parce que j'en ai quelques-unes chez moi. Mais non, c'est un peu plus grand que A4. Non, c'est peut-être comme ça. Chaque planche, elles sont comme ça. Et donc, du coup, dans le livre, c'est un peu réduit par rapport à la taille. Mais voilà, je crois qu'il y a un ratio qui s'est fait exprès, que ça soit plus grand pour qu'après... voilà, mais donc aussi, quand elle dessinait, elle devait penser que ça allait être plus petit. Voilà. Donc, c'était toute une grande affaire. Et elle a mis combien de temps pour la... Vous avez mis combien de temps pour la faire? Et ben, on a signé notre contrat d'édition, c'était à l'automne 2020, après le Covid, et la BD elle est sortie en avril 2023, donc c'est 2 ans et demi. Voilà, et donc la BD, on l'a voulu aussi, en gros, donc il y a 4 parties, et donc on s'est dit qu'on la faisait en noir et blanc, et il y a juste 8 planches couleur. Qui sont voilà, les premières pages. On s'est dit que chaque partie commençait par une pleine page en couleur. Et après, au milieu, donc ça c'est par exemple pour la première partie, ça c'est pour la deuxième partie. Et après, au milieu de chaque partie, il y a une planche également couleur comme une respiration. Là par exemple, ça c'est ma planche que je trouve qui est très belle. C'est Marie qui regarde une aurore. C'est pas encore belle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais éteindre ça, ça n'a rien à voir. Ah. Ah ouais. Et voilà, donc voilà, on a conçu des sortes de pauses méditatives au milieu du récit. Voilà, 8 planches. Ah oui, c'est vrai que ça change. Ouais, c'est bien. Il y a bruit en moi. Ouais. Donc, voilà ce que je peux dire sur le travail de Laure. Voilà, ça c'est la planche, la première planche, là, les toits de Besançon. Là, on voit Mario Marais, donc quand il est apprenti serrurier. Voilà, quand il va à la maison du peuple de Besançon. Ça, c'est quand il part en Algérie. Ça, c'est quand il vole un poste de radio chez des gens. Bon, ça, c'est ma planche que j'aime bien. Enfin, j'aime bien toutes les planches. Hein, mais... Ça, c'est en Guinée-Bissau. Et voilà, et il y a toute une série de dessins qui sont un peu plus clairs que d'autres. Voilà, elle est là, la planche. Voilà, et c'est léger. Hein. C'est là. Et donc, tout ça, c'est des extraits. Vraiment, c'est des moments de film qu'elle a repris mot pour enfin voilà qu'elle a copié dans la BD. Lui là c'est Amilcar Cabral qui du coup était le leader de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Moi je savais pas que la Guinée-Bissau et le Cap-Vert pendant 2 ans ça a été le même pays entre 73 et 75 parce que lui et son frère, enfin la famille qui était ils étaient d'un parent guinéen et l'autre du Cap-Vert. Et donc ces pays ont une prise d'indépendance conjointe, comme un seul pays. Et Amilcar Cabral a été assassiné juste avant l'indépendance. Voilà. Ah oui, on le voit là aussi. Ça, c'est... Voilà, et donc là, ce qui est rigolo, c'est que donc là, c'est à Rustrel. Et donc là, quand j'ai fait ce documentaire sur le bateau, en fait, voilà, l'histoire de Mario Marais, elle est très locale, en fait, aussi ici, vu qu'il était dans le Luberon. Mais il a été aussi beaucoup sur Marseille, sur Aix, où du coup, après, on n'a pas du tout parlé de ça, mais oui, il a ouvert un cabinet de psychanalyse. Et également au bord de l'étang de Berre, où après, le bateau, où il a mis à l'eau son bateau, où il est resté longtemps dans des sortes de zones un peu vagues, à vivre dans une caravane, et aussi à psychanalyser les gens qui étaient autour de lui. Ça, c'est à Besançon, et ça, c'est à Rustrel, et ça, c'est avec son chat, voilà, c'est le bateau, voilà, et donc le bateau, on avait retrouvé une photo, pareil, du bateau, donc en fait, après, quand j'ai rencontré les gens qui avaient construit le bateau, ils ont dit, c'est fou, parce qu'elle a vraiment réussi à... Juste avec deux photos du bateau, elle a réussi vraiment à avoir une vision très très précise de ce bateau. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et là, c'est, on voit un plus grand, quoi, c'est Mario Marais. Donc là, c'est au Groenland. Voilà, celle-là. Là, sur les groupes Medvedkin. Là, et là, il a une tête aussi complètement différente. Bon, c'est dur à voir, mais il a une sorte de... Là, ils font de la couture en Antarctique. Là, c'est en Guinée. Et voilà, et là, je vous disais, là, c'est toutes les ça, c'est toutes les têtes qu'on a eues de lui. Et après, j'ai eu la encore plus vieille. Mais donc, voilà, donc Laure Guibon, elle s'est basée sur 15 photos en tout et pour tout pour pouvoir créer le personnage. Et au début, pour le créer, elle a fait un petit buste de lui et pour vraiment l'avoir sur toutes les coutures. Et du coup, quand elle le dessinait, elle avait vraiment toute sa tête. Ouais, voilà. Toutes ses têtes. Elle a vraiment réussi la photo de droite, là, sur la couverture. Celle du milieu, la dernière à droite. Au milieu. Ah oui, là. Ah, oui, oui, oui, voilà, ça c'est. Elle a pris sur cette photo. Oui, oui, oui. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Elle est très expressive. Oui, et puis la photo aussi de base, elle est très belle. Ouais. Et voilà. Ça, c'est un croquis de Bruno Muel. Et Bruno Muel, il est mort le mois où la BD elle est sortie. Juste, donc il a jamais pu la lire. Et voilà, et Bruno Muel, c'est quelqu'un de vraiment très attachant. Qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Donc lui, il était caméraman. Donc c'est lui qui est parti en Colombie. Donc on a entendu dans le documentaire au début où il disait j'étais en Colombie dans la guérilla des fers et Mario Marais, lui, il montait son film sur la Guinée-Bissau et c'est lui qui ensuite est parti au Chili et qui a fait ce film très beau. Vraiment, moi j'aime beaucoup Septembre Chili et aussi il a, voilà, avec des ouvriers fabriqué des films aux enfants qui portent pas, enfin, qui sont des films collectifs avec le sang des autres. Avec le sang des autres, voilà. Il y a un coffret de disques qui est disponible sur le groupe Medvedkin. C'est ça. Ouais. Et donc, Bruno Muel, il était un peu dans tous ses films. Voilà. Et Mario Marais était dans le premier, qui s'appelle « À bientôt, j'espère », qui parle de cette grève, du coup, qu'il y a eu en 67 à la Rodia Zeta, donc qui était cette usine de câbles, et qui raconte l'après de la grève, comment que devient la solidarité quelques mois après que la grève est finie, ben voilà, qui fait un retour sur cette grève. Et qui est un film qui est très beau aussi et qui avait pu passer à la télé sur l'ORTF à l'époque. Ce qui me paraît aussi assez incroyable. Et qui est aussi du coup dans ce coffret DVD des groupes Medvedkin. Qui je trouve qui est une page très précieuse du cinéma. Et alors, ce que j'ai pas bien compris, c'était... Bon, il a filmé les ouvriers avec tout leur ressentiment, tout ça. Et les ouvriers ne se reconnaissaient pas dans le film, si j'ai bien compris. Oui. Et c'était quoi le débat là ? C'est qu'ils parlaient trop de leurs problèmes intimes, que c'était pas assez politique ou quoi ? Si je peux me permettre. Vas-y. En fait, ils filme pendant une grève et les ouvriers lui disent, c'est Chris Marker du coup qui arrive, qui est déjà connu et qui filme, qui fait ce film, à bientôt j'espère. Et en fait les gens disent, bah, c'est très bien, tu filmes ce temps de la grève, ce qui est un temps particulier, mais c'est pas notre quotidien en fait, et ça c'est un temps donné. Et en fait je pense qu'il y a une partie d'ego aussi de Chris Marker qui est reconnu, qui va prôner les caméras, ouais, qui les forme, et en fait c'est là où se forment les groupes Medvedkin à cette époque, et après qui font beaucoup de films, et qui font une cinématographie qui est super. Et par rapport au PC, il n'a pas eu des... Le PC ne se reconnaissait pas dans ce genre de film, ou s'il les approuvait quand même? Si, je pense. Ça, je... Mais après, c'était plutôt des gens qui étaient... C'était plutôt un combat syndical. Le PC était pas là. Oui. Mais ce que je voulais dire, là, par rapport à ce que disait Cyprien, c'est que... en fait, donc... Chris Marker était là, mais en fait, était déjà connu. Et en particulier, il coordonnait un film qui s'appelle Loin du Vietnam. Qui... Et donc, c'est Marie Marais qui est beaucoup allée sur le terrain à ce moment-là. Et qui, du coup, aussi, il y a eu donc, cette fameuse projection du film, voilà, et du coup, qui est reproduite dans la BD, mais qui est aussi un son qu'on peut entendre dans le DVD des groupes Medvedkin. Voilà, et ils disent, vous êtes venus comme des entomologistes nous regarder. Et donc, c'est, voilà, comme je le disais, il dit, bah, alors, allez-y. Et c'est comme ça qu'après... Les ouvriers vont prendre en main les caméras. Et c'est au même moment, et c'est peut-être du coup lié à cette expérience-là, que Marie Marais décide d'arrêter le cinéma, qui du coup aura été dans sa vie pendant peut-être une petite vingtaine d'années, et qui est aussi ce truc de se dire, ben voilà, lui-même, il avait peut-être quitté justement un peu cette condition ouvrière, et il s'est dit, ben, je ne suis peut-être plus tout à fait à ma place pour parler, je suis un petit peu en surplomb. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'arrêter de faire du cinéma et qu'il se consacre plus à la psyché humaine. Qui construit beaucoup son bateau là, et qui se retire aussi dans le Luberon. Et qu'il arrête complètement de filmer suite à cette projection de ce film. Et il a repris des études, il est devenu psychanalyste comme ça, du jour au lendemain Et ben, ouais, c'est ça qui est un peu à la fois problématique et à la fois où moi, j'ai pas réussi à avoir tant d'infos que ça. Enfin, à part que, ce que je sais, c'est que, bah, après, pour en fait, s'installer psychanalyste, il suffit d'avoir fait une psychanalyse, donc c'est toujours quelque chose de très... à l'époque, maintenant ça a changé, je pense. Si pour être psychanalyste, non, on peut aussi faire ça. Non, après, c'est n'importe qui peut être psychanalyste. Psychanalyste, oui. C'est fou. C'est fou. Ben oui, c'est assez... C'est fou. Et c'est angoissant. Il faut faire attention. Et donc lui, à part qu'il a étudié Freud et Lacan, et que après il avait ce cabinet, et que a priori, il couchait beaucoup avec ses patientes qui étaient des jeunes femmes de 40 ans de moins que lui. Voilà, dont certaines le portaient au nu et d'autres, normalement, ça se fait pas le thérapeute. Hein. Non, ça ne se fait pas. Ça marche pas la thérapie. Et voilà, et lui-même, c'est quelque chose de très problématique. Hein. Et donc lui-même disait qu'il était psychanalyste sauvage. Et donc j'en parle, il en parle à la fin de la BD. Et voilà, et donc surtout à la fin de sa vie, après beaucoup de femmes que j'ai rencontrées après m'ont dit qu'il avait un rapport très problématique aux femmes. Et à la fin de sa vie, il s'est marié avec une femme qui avait 40 ans de moins que lui et qui est son infirmière. Mais justement, en parlant de ça, jeune, il a fait une vasectomie, mais pour quelle raison alors? Et ben, une raison de néo-malthusienne. Du coup, c'est cette idée de dire de la grève des ventres, de dire on ne va pas nourrir le capitalisme avec de nouveaux enfants. C'est tout un mouvement qui est lié au mouvement anarchiste. Et donc, il y avait des médecins, c'était interdit, hein, puisqu'il y avait la loi de 1920 qui interdisait toute contraception. Et là, c'était une des rares contraceptions faites par les hommes, quoi. Et il y avait certains médecins qui pratiquaient ça, c'est une petite intervention chirurgicale apparemment, ça fait un petit peu mal, mais et après c'est réversible en principe. Et qui a une rien à voir, mais j'y pense là. C'est moi la première fois que j'ai entendu parler de la vasectomie, réversible, c'est j'ai habité en Inde pour ma licence. Et il y a la guérilla naxalite en Inde, donc les guérillas maoïstes qui sont dans, et où les hommes font des vasectomies quand ils vont sur le front. D'accord. Parce que les combattants sont mixtes. Et voilà. Et donc, c'est là qu'ils disaient là, mais la vasectomie, elle est réversible. Dans les faits, c'est réversible, je crois, que dans un tiers des cas. D'accord. Tu veux dire que là, c'est les autorités qui les faisaient vasectomiser, je ne sais pas si c'est... Pas les autorités, non, c'est le parti. Non, c'est les... Enfin, le parti, enfin, je veux dire, c'est la hiérarchie, on va dire. Oui, les vasectomies. Vous les empêchez d'avoir des enfants, c'est de faire des enfants ou... Bah, que du coup, si pour, avoir des pour pouvoir avoir des relations sexuelles, enfin voilà, et pour pas que les femmes tombent enceintes... Quand elles étaient. Ouais, mais la vasectomie, ça. Ah oui, lui, ça empêche qu'elle tombe enceinte, bien sûr. Mon copain, il m'a dit, je vais me faire vasectomiser, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, il y a un petit renouveau de... Les hommes, vous n'êtes pas comme nous, vous pouvez perdre jusqu'à toujours, 80 ans, 90 ans. Mais a priori, en fait, on coupe un canal là et on fait un petit nœud et donc on peut éventuellement défaire le nœud et re-raccrocher. Mais c'est pas. En fait, maintenant les médecins ils disent qu'il faut considérer que c'est définitif. Il ne faut pas avancer. Mais on peut congeler son sperme d'ailleurs aujourd'hui si on veut se faire vasectomiser et on peut congeler son sperme. Et pour en revenir à Marie-Marie, enfin, moi ce qui m'intrigue c'est que donc. Il était, là je n'ai pas compris, en Algérie, il faisait partie de la CIA, il était OSS. OSS. Mais il est bizarre quand même. Parce que quel bord, il avait tellement de choses. C'était contre le nazisme. Comment? C'était anti-nazi. OSS. Oui. Donc, comme elle a dit, on s'allie avec le diable contre les pires mecs, là, ce qui étaient les nazis. Et du coup, c'est là qu'il a. Donc, lui, en fait, au début de la guerre, il travaille. Pour le gouvernement de Vichy, à Haute-Rive, où du coup il y a un truc de transmission qui essaye un peu en sous-marin de un peu sauver sa peau, vraiment juste après l'armistice. Et il découvre qu'il est anarchiste, et donc son chef lui dit on a découvert, donc il faut que tu t'en ailles, et il le couvre pour qu'il puisse partir. Et c'est pour ça qu'il part à Alger, et donc il arrive seul et sans ressources à Alger en 41. Et du coup, il cherche à. Se faire embaucher et donc il tombe dans un magasin au début c'est pas pour qui il travaille mais du coup dans la BD ça en parle aussi donc, j'ai essayé de parler tout en dévoilant pas c'est un peu compliqué pour revenir sur ce que tu dis les anarchistes il y avait un réseau d'évasion alors c'est marrant parce que c'était c'est des anciens anarchistes espagnols qui avaient combattu en Espagne mais ils récupéraient les aviateurs anglais américains, ils en faisaient traverser la frontière, les Pyrénées. Après, ils allaient au Portugal et ils pouvaient rejoindre l'Angleterre. Et ce réseau était dirigé par un anarchiste, mais en collaboration avec les services secrets américains et anglais. Donc, c'est un peu le même genre. Donc là, il a été à titre posthume, il a eu des tas de reconnaissances. Ponsan, parce qu'il a été... fait prisonnier par les nazis, puis il a été fusillé juste avant la libération de Toulouse. Mais il a fait passer des centaines de gens. Quoi. Alors, surtout des aviateurs, mais aussi des juifs. Et c'est tout un réseau comme ça. Mais. Et lui, il n'a pas. Alors, il a été critiqué justement par les anarchistes purs et durs, qu'est-ce que tu vas foutre avec les Américains et tout ça. Mais bon, il a quand même fait un super bon boulot. Quoi. Parce que Mario Marais, c'est le même genre. Quoi. Oui, voilà. Lutter contre le nazisme, comme ça. Et donc pourquoi l'OSS cherchait particulièrement à s'implanter à Alger? C'est parce que, du coup, il y a eu le débarquement américain à Alger en 1942. Et donc Mario Marais, il participe d'ailleurs à ça, en tant qu'opérateur radio. Et ensuite, c'est de là que, d'Alger, et avec l'appui des forces américaines, qu'après, il y a eu le débarquement en Provence. Voilà. Et donc, il est resté jusqu'à quand au service secret? Je pense après la guerre, il était encore dans les services secrets. Mm-hmm. Et du coup, je ne sais pas à quel moment il s'est arrêté. Voilà, après, donc, j'ai eu plein de gens aussi qui m'ont dit, une personne qui m'a dit, En fait, il disait à Mario Marais, c'est comme mon père, il faut vraiment que vous mettiez un doute. J'ai peur qu'il soit resté espion toute sa vie. Enfin, et j'ai eu quelqu'un au téléphone comme ça, mais un monsieur hein, de 80 ans qui. J'étais là, mais moi je ne peux pas vous ôter. Ah, ça, on ne sait pas. Bon, je veux vous ôter de doute, quoi. Mais c'est la seule personne qui. On ne peut pas savoir. Voilà, après. Qu'est-ce qu'il aurait espionné, dire que les Françaises. Crevé de froid avec des pargouins, même s'il était en contact encore avec les Américains, il n'y avait pas grand chose à dire. Ça fait très bien qu'il y a des agents dormants ici et là. Voilà. Mais après, de toute façon, c'est grâce à sa formation d'espion après qu'il a pu être pris, quoi qu'il en soit, pour aller en Antarctique, parce que je pense que du coup, la formation d'espion, c'est très compliqué et ça t'apprend à être dans des situations extrêmes. Qu'est-ce que j'avais dû qu'ils apprenaient Je sais plus, j'allais. Voilà, dans ce livre-là, qui est vraiment sur. Ils expliquent de ces trucs sur voilà, qu'est-ce qu'ils font, les espions. Hein. Mais là, ça m'échappe. Mais donc, c'est comme ça qu'il a pu rentrer. Et a priori, dans les expéditions polaires, il y avait beaucoup de gens qui voilà, avaient participé au service de renseignement, enfin, de toute façon, d'anciens résistants. Mais du coup, il y a beaucoup cette idée du renseignement aussi. Et l'un de ses meilleurs amis de résistance qui s'appelait Miné, lui, je sais que lui, il est resté dans les services secrets, pour le coup. Et voilà. Et il a. Alors, aussi, c'est. Ah non, mais vas-y, pose la question. La question, c'est est-ce qu'il a rompu avec le PC ou on ne sait pas, ça. C'est pas dit ça, dans la. Ça, je ne sais pas, mais c'est parce que j'ai toujours. En fait, j'aurais. À chaque fois, je me suis dit il fallait que j'aille voir sa bio, parce qu'il a sans doute sa bio au PC, mais je ne l'ai jamais fait. Et donc moi je pense qu'il est resté au PC, je pense qu'après quand il était là ici dans le Luberon à partir de la fin des années 60, il n'était plus du tout au PC, il n'était plus du tout intéressé, et donc il rompt aussi avec toute idée politique et aussi avec l'idée que ben, voilà, il part dans la psyché et donc je pense qu'après il n'était plus du tout au PC. Bonjour, ça va? Vous faites une glace? Oui, il y en a une. Ben, c'est presque fini. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Je ne suis pas plus mauvais avant, je suis complètement insomnie. Je me suis levé à 17h. Du coup, c'est mieux que j'ai vu. Et je voulais dire, Ah oui, et donc il habitait en fait à côté, à Rustrel, là, c'était. À côté de là où après ils ont fait les silos nucléaires là, du plateau d'Albu. Ouais, ça c'est une histoire qui n'est pas du tout dans la BD. Et voilà, et donc c'est un peu marrant. Du coup il y a une route qui est. Enfin, lui c'était un chemin de chèvre et après il y a une route qui a été construite pour qu'il arrive jusque chez lui. Et c'est grâce à cette route construite pour les silos nucléaires que après son bateau. A pu descendre jusqu'à l'étang de Berre. Voilà, ça c'est les derniers. Mais le bateau est resté dans l'étang de Berre ou il a fait autre chose le bateau? Mais ça je peux pas tout vous dire, il faut. Il faut écouter l'émission. Si, je peux vous le dire si vous voulez, mais. Non, c'est pas dans le livre parce qu'à l'époque je savais pas, mais maintenant je sais. Et dans le bateau, après il a navigué jusqu'en Côte d'Ivoire et il a fini à Abidjan. En fait, il a donné à des gens. Qui fabriquaient eux aussi un bateau sur l'étang de Berre, des jeunes gens, et qui leur bateau s'est cassé. Et donc lui, comme il voulait plus trop faire cette histoire de bateau, il leur a donné. Eux, ils ont gardé ce bateau une dizaine d'années. Ils sont allés en Corse, avec, ils sont allés. Voilà, ils ont fait des tours en Méditerranée. Et ils ont accueilli un gars qui est chez eux. Et ce gars leur a dit oh, je peux vous emprunter le bateau machin, et ce gars un jour est parti avec le bateau et ils n'ont plus jamais revu le bateau et ils n'ont plus entendu parler, enfin le gars c'est pareil avec le bateau, il l'a volé en fait, et 10 ans plus tard ils ont reçu un appel de la capitainerie du port d'Abidjan parce qu'il y avait toujours les papiers du bateau à leur nom qui étaient restés, et en disant ben, monsieur il faut que vous veniez débarrasser ce bateau qui il nous encombre, enfin c'est et c'est comme ça qu'il a su, le gars que j'ai retrouvé dans le genre, que le bateau avait fini à Abidjan. Et donc apparemment le bateau, voilà, il a reçu cet appel au début des années 90 et le bateau a été ensuite jeté à la poubelle, quoi, a été désossé parce qu'il était parti à la casse. Le bateau qu'il avait construit de ses mains, c'est fou, hein. Ouais. Et tout seul, parce que bon, ça, vous pourrez écouter ce documentaire. Et c'était où sur les temps de mer? C'était à Vitrolles, là, ça? À Rognac. À Rognac, il y a une petite base de voile, ouais. Qui est vers Marina Plage, où il y a un petit camping. Il y a des campings. Et c'est là-bas. Et donc, ces campings, aujourd'hui encore, il y a ces campings, hein, mais c'est des ouvriers, enfin, des gens, des travailleurs qui habitent. Dans des mobil-homes, ouais. Et donc, il y a ce petit camping, et en bas, il y a la base de voile de Rognac. Et maintenant, ils ont fait un petit sentier côtier. C'est très étonnant, hein, comme endroit. Hein. Il y a des lamas aussi, des lamas. L'étang de mer est étonnant parce qu'il y a ces zones industrielles, puis entre les deux, il y a des oiseaux, il y a des flamants, c'est génial. Ouais, c'est clair. Et donc, maintenant, là, côté Vitrolles, ils ont fait un truc, juste devant l'aéroport, là, on voit vachement bien les oiseaux, là. Et après, on peut continuer, il y a une sorte de zone là où c'est tout bien propre, et après, on s'enfonce, et là, ça devient... ils ont mis quand même une sorte de sentier côtier, mais après, ils s'arrêtent un peu, et c'est à ce moment-là que là, on arrive, et c'est là que le bateau a été mis à l'eau. D'accord. Voilà. Donc après, comme vous voyez, je connais des éléments précis. Et en même temps, quand on s'intéresse pendant très longtemps, à la fois on a des connaissances très précises sur des choses et on se rend compte à quel point on a des zones d'ombre sur plein d'autres. Mmh. Voilà, et donc là, en fait, j'ai littéralement fini là, le documentaire la semaine dernière. Et là, je me suis dit que c'était bien fini. Et est-ce qu'il a, dans les archives de Mario Marais, est-ce qu'il parle de sa vie intime? Est-ce qu'il y a des journaux intimes? Et ben, il y a les lettres qu'il a écrites à l'une de ses compagnes qui sont aux archives départementales de l'Hérault. Et donc, je les ai toutes lues. Ah ben, c'est un autre livre à faire. Stop. Non, j'ai dit stop. Ce livre, voilà, et donc c'est des lettres où il ne parle que, donc c'est des lettres qu'il a écrites dans les années 60, où il ne parle que politique, il décrit pendant toutes les lettres. Et son rapport aux femmes, est-ce qu'il était macho? Parce que là, il était entouré que d'hommes, visiblement. Hein. Là, on s'est dit... Quel était son rapport avec les femmes? C'est ce que j'ai dit, à la fin de sa vie, un rapport très problématique. Mais après, là, dans les années 60, moi j'ai rencontré sa compagne des années 60... je pense que dans les années 60, ça allait, c'est plus tard quoi, que ça a dérivé. Et donc on rigolait beaucoup avec Laure Guimond quand on faisait cette BD, parce qu'on se disait, oui, c'est vraiment qu'une histoire de mec, là, on fait une histoire de mec. Et donc on faisait, vu qu'il y avait cette histoire du male gaze avec Me Too et tout, on disait que nous, on faisait on avait un female gaze sur un homme. Et donc d'ailleurs, on a fait des petites blagues, on a fait une petite blague où elle m'a représentée pendant une manif. Ah oui, si, c'est là. Là, il y a cette petite case où c'est moi, là. Je dis ça manque deux femmes, quand même. Voilà, on a fait cette case pour que la BD réponde au test de Bechdel, qui est ce test de dire que, du coup, dans les films, on peut dire, est-ce qu'il y a deux femmes qui parlent ensemble d'un sujet qui n'est pas un autre. Et du coup, on s'est dit, mince, notre BD, elle réagit pas, enfin, ça marche pas, et donc on a mis cette case. Il n'y a pas une durée aussi. Et là, pour le coup, on ne respecte pas. Et est-ce que vous avez est-ce que vous savez de la famille, parce qu'en fait, comment ça se fait qu'il est devenu Mario Marais, quoi? Est-ce qu'il y a un trait de caractère qu'on retrouve chez le père, le grand-père? Ça, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'il a rencontré Jean Mallory dans les expéditions polaires? Parce que Jean Mallory est celui qui contrôle un certain nombre d'expéditions, y compris du CNRS. Donc est-ce qu'il l'a rencontré? Est-ce qu'il y a eu des relations ou pas? J'en sais rien. J'ignore, mais j'imagine. Ça part. Je suis en train de lire en plus là en ce moment les dernières heures de tuer, c'est rigolo. Mmh. Mais il y a la biographie, c'est toute la grosse biographie de Jean Mallory. Ouais. Et ben, j'aurais envie de dire oui, mais j'en sais rien. Enfin, ouais, ça paraît. Mais moi non plus, c'est pour ça que ça paraît très. Raisonnable. Raisonnable. Ça paraît très. Oui, surtout qu'il n'y a pas Paul-Émile Victor dans une des expéditions. Oui. C'est tous ces types qui partent tout seuls. Mais après, c'est très différent. Du coup, il est ethnologue et donc il va avec les gens. Alors que là, Marie et Marie, ils sont du coup. Ça, il est géographe. Malheureusement, il est géographe. Ouais, mais je veux dire, il vit avec les Esquimaux. Ouais, il est avec les Esquimaux, plutôt. Ouais. Les Inuits, oui. Après, je me pose une question indiscrète. La dessinatrice, elle a mis 2 ans et demi pour faire le livre, votre livre. Est-ce qu'elle a. Elle était payée, elle pouvait vivre que de ça, ou elle est obligée de faire elle est obligée de faire d'autres choses à côté. Non, elle a été payée pour faire cette BD, je peux le dire. Moi j'ai eu 5000 euros d'avance et elle a eu 11000 euros. Donc du coup, elle a dessiné peut-être pendant un an et demi. Ouais, et du coup, elle a dû toucher. Pas assez d'argent, hein. Enfin, et d'ailleurs moi non plus. Hein. Mais du coup, on touche des sommes quand même, on touche pas à rien. Mmh. Voilà, on touche quand même plusieurs milliers d'euros, mmh. Mais pas assez pour vraiment que ça soit. Ouais, c'est pas beaucoup par mois, ça. Non. Mmh. Mais c'est des avances sur droit d'auteur. Après, il s'est vendu bien ou pas? Vous savez pas? Si, je sais combien il s'est vendu. Il s'est vendu à peu près à 2000 exemplaires. D'accord. Et il faut qu'on en vende. On n'est pas encore. On n'a pas remboursé notre. Il faut qu'on en vende. Ils vont vous demander de rembourser. Même pas l'éditeur. Même pas l'éditeur. Ouais, non. Là, même l'éditeur aussi, là, il c'est pas assez. Il n'a pas fait la fête du siècle. Non, mais c'est courageux de publier ça, de sa part, cet éditeur, parce que c'est quelqu'un de méconnu. Après, pour que les gens achètent ça, faut quand même. C'est intéressant quand même. Hein. C'est super intéressant. C'est une sorte de Jack London, en fait. Hein. Moi, j'ai découvert, c'était sur, alors, je ne sais plus, c'est Hélène qui a dû me dire, il est Mario Marais, et je suis allé voir, il y a le Métron des anarchistes, un dictionnaire où il y a tous les... Et là, il y avait une notice sur lui. Et après, en faisant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une BD en préparation, et qui était annoncée, je ne sais plus, sur un autre site aussi. Et donc, dès que j'avais dit à Hélène, dès que ça paraît, on va sauter dessus. Et après, à la suite de la BD, effectivement, j'ai lu le 7 homme chez les pingouins, qui est un bouquin intéressant. J'ai vu les films sur Internet, vous trouvez tous ces films en partie. C'est des petits films courts et c'est vraiment bien. Hein. Parce que là, on voit les conditions, effectivement, comme elle a dit, la cabane et la BD le retrace très bien, mais on voit les conditions vraiment dures. Maintenant, il y a des bases, on voit les photos, c'est super nickel. Les bases franco-italiennes là, qui a été créée à l'intérieur de la Terra dei Lì, assez loin de la côte, mais c'est complètement dingue. Ils ont une bibliothèque, il y a tout dedans, il fait chaud. C'est pas du tout les mêmes conditions. Tu vas t'installer là-bas? Non, parce que la vie, on a un ami là au CIRAL qui s'appelle Pierre Jouventin qui a fait plusieurs saisons en Antarctique, et après, au niveau humain, c'est pas facile. Hein. Il faut avoir la psychologie des gens, il faut trouver des médiateurs, parce que déjà, nous, on s'engueule entre nous, alors qu'on a... Mais là, dans un groupe, dans un endroit fermé comme ça, c'est pas simple. Hein. Et il y a toujours donc, la cabane qu'ils ont construite donc, pendant le deuxième hivernage, où il était, où l'autre base avait brûlé, et où ils sont restés là où il a écrit ce livre. Cette base, elle existe toujours. Elle est à côté des bases modernes et ça s'appelle la cabane Marais. D'accord. Et parfois, les gens, pour s'amuser, ils vont dormir une nuit dedans, dans le froid, pendant... Votre livre, là, vous n'envisagez pas, peut-être Arte, une adaptation d'un film d'animation, en partant des dessins et de votre travail. Ça pourrait vraiment toucher. Ça pourrait vraiment toucher. Moi, j'ai deux gamines, deux ados de 17 ans. Le livre... L'audiovisuel, ça les touche plus, quoi. Et puis, pas que les ados, d'ailleurs. Les BD, ça peut toucher les ados. Ouais, mais bon, moi, je les vois, hein. Je vois qu'elles sont sur les écrans. C'est pour ça, il faut venir au livre. Ouais. Vas-y. Sinon, pour revenir sur Marie au Marais et par anecdote, on se connaît depuis 45 ans, par là, un peu plus, 5 ans bientôt, je crois. Et ben voilà, nous en fait, en réalité, ça fait 50 ans qu'on entend parler de Mario. Au début, c'était que Mario. C'était même que Mario, exact. Tu nous parlais que de Mario. Bon, je ne pourrais rien dévoiler, d'ailleurs, je n'ai rien à dévoiler, parce que bien évidemment, je ne sais rien. C'était Mario aussi, Mario ça. Mais Hélène a été patiente de Mario, donc dans les années 75, sur Aix-en-Provence, par là, enfin, en gros. Et bon, pour une chose ou pour une autre, il y avait Mario qui revenait. On ne sait évidemment pas le contenu de ce qu'elle leur racontait, ni quoi que ce soit, mais il faut croire que c'était quelqu'un de charismatique, parce que nous, on a vécu presque toute notre vie jusqu'à ton bouquin avec ce Mario. Et d'ailleurs, toi, tu l'as dit d'une certaine manière, et puis moi, tout d'un coup, quand il m'a dit Arthur, Nina, d'ailleurs, elle vient sortir un truc sur Mario le Marais, mais écoute, je sais, Mario le Marais, mais Mario ? The Mario ? Ben oui, The Mario, je sais, ah putain, mais c'est drôle comme truc. Mais donc, je crois que c'était quelqu'un de... Mais de très charismatique et de... Et ouais, très doué pour la parole et pour comprendre la psyché humaine aussi. Mais en fait, c'était vraiment difficile. Enfin, pour moi, j'ai tout appris. Enfin, pas tout, parce que j'entendais dire son rapport avec les jeunes femmes. J'ai entendu ça. J'avais une amie qui était avec, qui m'avait dit que effectivement il était devenu, enfin qu'il habitait dans le numéro, ouais, et avec une jeune femme qui s'était mariée. Ouais. Moi, j'ai entendu un grand bruit quand j'étais dans la salle d'attente et manifestement il y a quelqu'un qui lui a envoyé sa bibliothèque. Sur la figure, dans la pièce à côté. Alors, je ne sais pas si je suis partie discrètement, ou je ne me rappelle pas, ça fait longtemps tout ça. Et je sais que il ne parlait pas, parce que j'ai cru comprendre à l'époque qu'il était lacanien, donc moi, il n'avait pas. Enfin, rien. Donc j'étais en face de lui. Moi, je ne voulais pas m'allonger, donc j'étais en face à face. Je sais que mon petit frère est mort à ce moment-là, et puis que... Je lui avais téléphoné que je revenais 3 semaines après, puis qu'il était en haut des escaliers du 3e étage, là, à Aix. Donc, normalement, il était psy lacanien, pareil. Enfin, j'y connais pas grand-chose, hein, je ne suis pas renseignée sur la psychanalyse du point de vue doctrine, etc. Mais que ça se faisait pas. Enfin, je veux dire, il m'attendait en haut des escaliers, voilà. Et puis je sais que je suis allée aussi à Apt, où il avait son autre cabinet. Et je revenais d'Afghanistan, et pas d'Afghanistan, je revenais de Peshawar, et c'était en 84, donc c'était au moment des soviétiques. Et qu'en fait, il avait mis ostensiblement une revue qui paraissait sur l'Afghanistan, d'information, les nouvelles d'Afghanistan. Et ostensiblement sur la table, donc il s'était abonné à ça, et j'avais l'impression en même temps que j'étais un peu, enfin que c'était intéressant pour lui de ce côté-là d'avoir quelqu'un qui revenait fraîchement de Peshawar, donc voilà. Et puis aussi mon compagnon était un fou de Léo Ferré, donc j'avais dû parler de Léo Ferré. Et puis une autre fois, il y avait Léo qui, il n'y a plus rien, enfin sa chanson qui était à fond la caisse dans la salle d'attente. Donc il avait comme ça des comportements pas très catholiques, quoi. Voilà. mais en même temps, il ne parlait pas, donc j'allais régulièrement, et puis ça a dû me marquer, parce que je n'arrivais pas, je suis repartie habiter à Paris, ici, et je me souviens lui avoir dit dans les dernières séances, lui avoir dit que je partais, alors que je ne suis partie que 2 ans après, comme si ça m'empêchait aussi en même temps de partir. Il m'avait répondu, parce qu'ils répondent tous, je suppose, en disant ma porte vous est ouverte. Et il n'y a pas très très longtemps, régulièrement, je rêve que je retourne le voir. Voilà. Donc en tant que psy, t'a compté dans la vie, quoi. Voilà. Ah, ouais. Même s'il ne disait rien et qu'il ne... Voilà, donc il a été... Si tu disais, les seules choses qu'il faisait, c'est avec son stylo, il avait une phrase... Ouais, je vous écoute. Je vous écoute. Moi, j'ai jamais entendu parler de Mario Marais. Marin Marais, oui. Mario Marais, donc... Mais après, c'est pas quelqu'un de connu, c'est normal de... Il y avait des traces sur Internet, entre le métron des anarchistes... des trucs sur l'exploration du pôle sud. Maintenant, il a une page Wikipédia aussi, depuis un an. C'est toi qui l'as fait ? Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un gars qui m'a écrit, du coup, un ingénieur de expédition polaire, enfin un truc comme ça, tout venu, il s'appelle. Bon, voilà, qui aime bien écrire des pages Wikipédia. Après, il m'a dit qu'il avait écrit d'autres pages Wikipédia sur d'autres trucs. Suite à la lecture de lui. Non, et en fait, il m'a écrit parce qu'il l'avait, en même moment que le livre est sorti, lui-même, il était en train d'écrire cette page Wikipédia. Mmh. Parfois, il y a des concordances comme ça. Mmh. Et là, vous tournez dans toute la France pour faire la promo du livre ou... Non, mais là, c'était prévu. Il y a au moins, on aurait dû venir ici cet été. Et en fait, non, j'ai fait la tournée, mais l'an dernier, en 2023. Et depuis, non, là c'était un petit succès exceptionnel. Donc, Nina a apporté quelques exemplaires si vous voulez. Ouais. Ceux qui n'ont pas encore lu la BD peuvent lui acheter. Puis on peut continuer à discuter autour d'un verre. Ouais. Et c'est une très belle BD, vraiment. Ouais. Comme Mario Marais a beaucoup compté dans ma vie, vraiment qu'il ait eu. Pas qu'une BD qui existe comme ça sur lui, c'est un beau cadeau que vous faites à quelqu'un qui... Ça a une très belle BD, je trouve. J'ai beaucoup aimé. Merci. Oui, ça le... c'est une façon de faire vivre quelqu'un, ça. C'est une façon de pas oublier. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Le roman graphique, c'est quand il y en a de plus en plus, des romans historiques et tout ça. Et c'est vraiment une belle... ceux qui sont bien faits, mais il y en a beaucoup qui sont très bien faits. Et on apprend beaucoup. Alors, c'est vrai que par rapport aux ados, c'est fait 250 pages, c'est peut-être un peu... Non, mais après, il faut les pousser, les ados, bien sûr. Après, oui, mais puis ça manque peut-être un peu d'action par rapport au manga et tout ça. Mais bon. Non, il y a aussi l'opposition. Quand les parents disent « tu dois faire ça », bon, ça, c'est pas la question. Oui, il faut dire ça, c'est nul. J'ai acheté, mais c'est nul. C'est vrai. Ok. Voilà, j'ai écrit une autre. Là, dans un an, j'ai écrit un nouveau scénario de BD, aussi chez Stankis. Et avec une autre. Sur une femme, alors. Sur une femme. Ah, c'est bien. Sur trois femmes. Sur Delphine Seyrig, l'actrice, et sa mère. Qui s'appelait Hermine de Saussure, et là, une amie de sa mère qui s'appelle Ella Maillard, qui a été voyageuse. C'est trio. On adore Ella Maillard. Ouais. Donc c'est trois émancipations féminines, une dans les années 70 et deux dans les années 1920. Et ça sortira. Avec la même dessinatrice ? Non, avec une dessinatrice qui s'appelle Arianna Melone, qui est italienne et qui est en ce moment même en train de dessiner. Bien sûr. Pas Mélanie, oui, pas Mélanie. Et qui sortira dans un an. Ok. Et qui n'a pas de titre, mais ça sera sur ces trois femmes. Cool. Ça parlera d'une histoire, ça parle de bateaux aussi. Il y a une histoire autour des bateaux. Avec son amie Hermine de Saussure. Et voilà. Et donc ça parle vraiment. Ah, mais oui, c'est vrai. J'étais en train de me dire que c'était quelque chose. Oui, dans quel bouquin elle en parle. Ouais, et donc ça parle de leur navigation. Entre autres. Maillard, c'est un personnage. Alors, bon, qui n'est pas. Alors, elle fait un voyage en Union soviétique dans les années 30, et il y a un chapitre où elle a rencontré des anarchistes qui étaient en exil. Si on peut trouver un lien entre Ella Maillard et c'est Marianne Henkel du Sierra de Lausanne qui m'a dit là, il y a tel chapitre, elle parle d'anarchistes. Et c'est un portrait très sympathique qu'elle fait de type qui était en exil et qui ont dû finir au goulag d'ailleurs. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de lui trouver quoi que ce soit de son nom est truchant, on va dire, avec le milieu anarchiste. Je veux dire, sa liberté, elle a mené sa vie comme elle a voulu, en se foutant des principes imposés, etc. C'était une femme libre, quoi. Donc, rien que ça, ça suffit. C'était juste une anecdote pour faire le lien. Mais effectivement, c'est passionnant sa vie, le voyage qu'elle fait en Afghanistan avec Anne-Marie. Les Schwarzenbergs. Il y a les deux versions, parce qu'on peut voir la version de l'une et la version de l'autre. Effectivement, Hélène Maillard, je pense qu'elle était intéressée par les spiritualités orientales. Elle continue son voyage en Inde assez long. Et puis Anne-Marie Schwarzenbach était vraiment une antifasciste suisse. Mais là aussi, c'est un personnage intéressant, complètement drogué aussi. Mais... Ouais. Ce livre-là, ouais, sur l'Afghanistan, il est vraiment trop, trop bien. Ouais. Les deux, là, celui de Leimer et puis celui d'Anne-Marie Schwarzenbach. Ça vaut le coup de lire les deux aussi. Bon, bah, beau projet, on l'attend avec impatience. Ouais. Après. Et la même maison d'édition ? Oui, c'est la même maison d'édition. Ouais. Ils ont perdu de l'argent, mais ils continuent quand même. Ils en font plein des BD. Hein. Ils en font plein, et c'est un équilibre entre. Ouais. Bon, en tout cas, la FNAC, quand encore, moi j'ai des comme ça. De Maria Marais. Et la dessinatrice, pour le prochain livre, c'est vous qui l'avez choisi, ou c'est la maison d'édition qui l'a choisi? En fait, moi je voulais que ça soit une femme qui dessine, et j'ai regardé pas mal de books, et après il fallait que quelqu'un soit dispo, et donc ça a mis quelques mois à trouver, et là c'est elle, et c'est vachement chouette, j'aime bien aussi. Elle a fait comme BD Gianna, qui c'est un récit de femme, d'une femme en Italie, une destinée de femme, qui choisit sa sexualité et tout. Elle a fait un livre qui s'appelle Sur les filles de Sappho, sur la même maison d'édition, non, c'est non, c'est chez Albin Michel, ça, et puis elle a fait Le bal des folles, enfin voilà, elle a fait plusieurs BD. Ah, ouais. On peut continuer, le bar est ouvert. Les bouquins, vous voyez